Les arrives rossignols. Un hautain est un arbre au support élevé soutenant une vigne. Il n'est que temps de lier la vigne. Aussi bien les souches basses, alignées au flanc du coteau et maintenues par des tuteurs en indestructible bois de cities, que les quatre septentenaires du vieil hautain, montés en guise de pilastre sur quatre énormes troncs de figuier mort, à l'ombre duquel, tout petit, j'aimais m'endormir en écoutant la fontaine couler et la stridente symphonie des cigales. Il n'est que temps de lier la vigne. Libre de la gaine qui semblait encore, ce mois dernier, sur le noir terreux de l'écorce, un bouton d'argent et de fine soie, les feuilles s'étalent déjà vertes, luisantes et vivaces, et les pousses, futurs sarments, déroulent leurs vrillets fragiles, tire-bouchonnés, d'un vert pâle, prêts à s'accrocher partout. Dans le poétique langage des paysans et des enfants, ces vrilles, cassantes comme un léger fil de verre, vert, mais élastiques et pressantes, avec une menue griffe au bout et qu'un obscur instinct dirige, s'appellent des arrives rossignols. Sur la foi de vagues légendes, nous étions en effet persuadés que, les nuits de lune, des rossignols venaient s'y prendre et que, les pattes prisonnières, y sentaient désespérément jusqu'à ce que l'aube, une fée ou quelque hasard les délivrât. Vous me direz peut-être que jamais, depuis que nichent les oiseaux, rossignol ne rossignola dans les vignes. Mais peu importe, c'est ainsi qu'on nous enseignait jadis l'histoire naturelle.